Bonjour. Avertissement. Tarama, 200 grammes, de la marque Spar, vendu via les magasins Spar Colruy Group et via certains magasins d'alimentation générale en Belgique. Ne pas consommer si vous êtes allergique aux poissons ou au blé. Égypte, le conseil d'administration du FMI, a approuvé un accord de confirmation de 5,2 milliards de dollars. Pour l'Égypte, stimulant ainsi l'économie du pays arabe le plus peuplé. Inde, les cas de coronavirus confirmés en Inde dépassent le demi-million, avec un autre saut record de 18 552 infections en 24 heures. Le ministère de la Santé signale également 384 nouveaux décès, ce qui porte le total à 15 685. Mexique, 14 cadavres découverts sur une route. Afghanistan, deux travailleurs des droits de l'homme tués à Kaboul. Belgique, le gouvernement prolonge la présence des militaires en rue jusqu'à début août. Malawi, le président du Malawi déclare que la répétition des élections a été entachée d'irrégularités. États-Unis, la pandémie du Covid-19 progresse aux États-Unis, Texas et Floride reviennent sur la réouverture. Libye, 6 migrants morts, des douzaines sauvés de la Libye.